cours numéro 16. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa al-aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa ala al-zalimin, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fi darsina al-akhir akhadna baban مهما فما هو تفضل الايمان بان الايمان يزيد وينقص يزيد وينقص هذا هو مذهب اهل السنه والجماعه ان الايمان يزيد وينقص لا فوا ال augmente et elle diminue كذلك ماذا قال السلف الصالح في الإيمان تفضل يقولون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد أحسنت قول وعمل واعتقاد سيسا الإيمان عند السلف دي بارول كما عليك ترجو القرآن الذكر الشهادة بخنص الشهادة ودي أعمال كما الصلاة كما الجهاد كما الحج إلى آخره et bien sûr une croyance dans le cœur الإيمان بالله وملائكته وكتبه إلى آخره. فسيسا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا الإيمان يمونت avec الطاعة يغمونت et diminue à cause des péchés. من يذكر بعض الأدلة على هذا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد أن الإيمان يمونت ديسان تفضلوا أحسنت فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا سان دليل على ماذا أن الإيمان قد يزيد وينقص أحسنت أن الإيمان يزيد وينقص أما الزيادة فواضح فزادتهم فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا أي les gens qui ont cru leur إيمان يموت أين النقصان تفضل زيد Ah, et dans le verset, il est clair, hein, l'iman il augmente. Enfin, l'iman, là, tu as cité ce verset pour prouver que l'iman il diminue. Fakana. Naam, kana naqsan. Si l'iman il augmente, c'est qu'après avoir augmenté, enfin, c'est qu'il était plus faible que quand il a augmenté. Donc ça nous montre que l'iman il peut faiblir, il peut diminuer, il peut descendre. Zid. تفضل لأدلة وفي الحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان الإيمان بدعون وسبعون أو ست شعبة والحياة شعبة من الإيمان أحسنت هذا سان دليل على ماذا على أن الإيمان قول الإيمان قول واعتقاد نعم أين القول؟ لا على القول في في في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فقال فأفضلها لا إله قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. أحسنت فالقول قول لا إله إلا الله والعمل؟ والعمل إماتة الأذى عن الطريق. أحسنت والاعتقاد أي من عمل القلوب الحياء. هذا الباب المهم باب. الإيمان يجوز est-ce que c'est permis de dire أنا مؤمن est-ce que c'est permis de dire أنا مؤمن إن شاء الله تفضل يجوز نعم بالدليل قول الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله نعم آمني لكن dans ce verset إخبار من الله أنهم ils allaient rentrer في المسجد الحرام أي مكة فلماذا tu as cité ce verset pour prouver que c'est permis alors qu'on نحن on est في الإيمان في الإيمان لا شك نقول هذا الحرفاز المؤمن باليقين أنا مؤمن mais inshallah, inshallah, wa inshallah, nahnu sadiqin. Ay أن أهل السنة يقولون أن الاستثناء لفد جغنا مؤمن إن شاء الله سيبا من باب الشك كما تقول المرجئة سيبوسك المرجئة بغو سيبا بيان عندهم يديس كسي تدي إن شاء الله سيكتا دي دول أهل السنة قالوا وردوا على هؤلاء أي إذن ستة انفرسي pour leur prouver que le fait de dire إن شاء الله c'est pas forcément avoir des doutes. فلهذا قال عز وجل تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. لا شك أن هذا الإخبار سيقين أنهم يزالي رنطري أي سن رنطري في مكة. دونك العلماء يقولون أن لو فت دير إن شاء الله سا فو با دير كون دي دوت. لا سي تو دي أنا مؤمن إن شاء الله إتي على يقين فسي بيرمي. أما سيلو كي دي جو سوي مؤمن يدي إن شاء الله من باب التردد والشك هذا لا شك أنه سيبابيان لأن الإيمان تدوى يتخسر باقي بوركوا أن دي إن شاء الله الشيخ بن باز رحمه الله ونستين فائدة أنه لأمرين الأمر الأول تفضل أن إيماننا ليس كاملا أحسنت أن إيماننا ليس بالكامل وندو ضعف ونفي دي بشي احيانا on a des faiblesses dans certaines nawafil, dans certaines obligations. Voilà, chacun a notre iman, il a besoin de qu'on fasse des efforts pour l'augmenter. Enfin, on dit inshallah min hayth al kamal. Amma asl al iman, la base al iman billah wal malaika wal rusul ila akhirah, hada la yajuz d'avoir des doutes abada. Deuxième chose, تفضل al khatima. N'am al khatima, est-ce qu'on va mourir ala hada al iman? Allahu a'lam. Enfin, c'est pour ça qu'on dit on est des mu'minoun, incha'Allah. Et quand on dit incha'Allah, et si Allah il veut, et on espère en Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fera mourir à l'iman. Enfin, min bab al-tawadu' et al-tawakkul à Allah subhanahu wa ta'ala, on dit incha'Allah. Et on espère, si Allah il veut mourir à l'iman, fala mani'. Donc, à l'istitna, le fait de dire je suis mu'min, incha'Allah, il n'y a aucun mal inda ahli sunnah. والله أعلم. فهذا الباب باب الإيمان c'est un باب très très important. كذلك on avait dans le deuxième درس on avait étudié ensemble ما يتعلق بخروج الدجال بنزول عيسى إلى آخره et ces chapitres ولله الحمد ils sont très très simples. قال رحمه الله فصل في فضيلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال ونعتقد أن محمدا المصطفى خير الخلائق وأفضلهم وأكرمهم على الله عز وجل وأعلاهم درجة وأقربهم إلى الله وسيلة بعثه الله رحمة للعالمين وخصه بالشفاعة في الخلق أجمعين. هذا الفصل فصل جميل أي ce chapitre qu'il a cité rahimahullah dans cette risala fi fadilati nabiyina muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les mérites de notre prophète muhammad alayhi salatu wa sallam. Notre prophète muhammad alayhi salatu wa sallam, c'est khatim al-rusul, c'est le dernier des messagers, le dernier des prophètes, c'est afdal al-khalaiq, c'est la meilleure des créatures inda Allah subhanahu wa ta'ala. وأكرمهم على الله وأفضلهم خليل الله سبحانه وأعلاهم درجة c'est celui qui aura le plus haut niveau في الجنة c'est le prophète محمد عليه الصلاة والسلام. قال وأقربهم إلى الله وسيلة بعثه الله رحمة للعالمين. الله سبحانه وتعالى avec l'envoi de ce message عليه الصلاة والسلام رحمة العباد والبلاد الإنس والجن بل العالمين l'univers entier. C'est l'envoi du prophète صلى الله عليه وسلم, c'était une رحمة pour العالمين. وخصه بالشفاعة, ça montre et c'est un des arguments, une des preuves pour prouver que notre prophète محمد صلى الله عليه وسلم c'est أفضل الرسل والأنبياء. Et même, ou là, c'est le meilleur des êtres humains, alayhi salatu wa salam. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné une chose que personne d'autre n'aura. Al-Shafa'a. Al-Maqam, Al-Mahmoud. Alayhi salatu wa salam. Et taqaddamat ma'ana hadhi al-Shafa'a, l'intercession, dans le chapitre sur Al-Shafa'a. Wa huna al-Murad bi Al-Shafa'a, c'est Al-Uzma, Al-Kubra. C'est pour ça que, qala rahimahullah, bi Al-Shafa'ati fil khalqi ajma'in. Cette Shafa'a, tout le monde en profitera. Al-Mu'minun wa al-Kuffar. Allah subhanahu wa ta'ala, il donnera l'autorisation au prophète alayhi salatu wa salam de faire shafa'a, et le jour du jugement, dès que tout le monde attendra les comptes, un nabi sallallahu alayhi wa sallam, il fera shafa'a pour que les comptes y débutent. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a élevé bihadi shafa'a. Hada al-fasl al-muhim. Et nous, en tant que mu'minoun, en tant que croyants, on doit aimer ce prophète alayhi salatu wa salam. Plus que nous-mêmes. Plus que toutes les autres personnes. كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين. الحديث اللي في الصحيح تقدم معنا في كتاب التوحيد وفي غيره. Personne ne croira tant que النبي صلى الله عليه وسلم tant qu'il n'aimera pas le نبي صلى الله عليه وسلم plus que lui-même, plus que ses enfants, plus que ses parents, plus que toutes les personnes. On doit avoir bien sûr cette aqida. Et cette aqida, elle doit changer le comportement du mu'min. Cette aqida, elle doit porter des fruits. Et parmi ces fruits, c'est que cet amour, ça doit nous pousser à suivre le prophète alayhi salatu wa salam. Cet amour qu'on a envers le Nabi sallallahu alayhi wa salam, ça ne doit pas être comme ba'du ahl al-bid'a wal-juhal wal-dullal. Annahum, leur amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les mérites du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont déduit une chose. Annahu, il faut fêter sa naissance. Ça, c'est de l'égarement. Ça, c'est pas une preuve d'amour du prophète alayhi wa sallam. Ça, c'est de l'ignorance. Même si certains qui fêtent la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont sincères dans leur démarche et ils la fêtent vraiment parce qu'ils aiment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, là, ça reste de l'égarement. Et haoula, même s'ils sont sincères, ils sont ignorants. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas en fêtant sa naissance. La preuve, c'est que les personnes qui aimaient le plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui l'ont plus suivi, ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ils n'ont jamais fêté sa naissance. C'est des choses qui sont venues après. Et la haqiqa, ces innovations, ils écartent le mu'min du véritable amour et du véritable suivi. Et que cet amour qu'on a envers notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça doit nous pousser à détester ceux qui le détestent, à détester ceux qui ne croient pas en son message alayhi salatu wa sallam. Tata'ajjab l'an anna ba'd al-muslimin, à cause de certains égarés, ils appellent à la tolérance, au respect des valeurs des autres, à bel ba'dhum, à l'amour, aimer certaines personnes qui n'ont pas voulu croire au message du prophète alayhi salatu wa sallam. Wallahi, ba'duhum ils se moquent, ba'duhum yata'anoun, ba'duhum ils détestent la législation shari'atu nabiyyina Muhammad alayhi salatu wa sallam. Normalement, le mu'min qui aime véritablement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, khasatan s'il est à la ilm, il doit détester ha'oula. Si tu n'aimes pas mon prophète sallallahu alayhi wa sallam, je te déteste fillah. Et cette haine qu'on a envers les kuffars, ça implique pas d'être injuste. Les nalbards, ils mélangent. Quand ils entendent mitla hada al-kalam, ils mélangent et ils pensent que un sunni, celui qui a étudié véritablement cette aqida et qui aime son prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il déteste les autres, ça va impliquer d'être injuste, de leur faire du mal. Abadan. Abadan. Lakin, comme eux, ils détestent notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas voulu le suivre, enfin, on ne les suit pas et on les déteste. Eux, ils ont détesté notre dîn, bi batil, et à cause de leur passion, ils se sont égarés. Et nous, on les déteste. C'est le haqq. Et ça fait partie de notre religion. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, iman al-hub fillah ou al-bughd fillah. Ça, c'est le iman le plus solide. Comme a taqaddam ma'ana, l'iman, il monte, il augmente et il diminue. Enfin, le iman qui est le plus fort, le plus complet, c'est aimer pour Allah et détester pour Allah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a bien montré détester. Ba'danas, ils n'arrivent plus à prononcer ce mot. Hatta le kuffar, les Yahoud ou les Nasara qui détestent notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas suivi, ils le combattent, ils se moquent, ils l'arrêtent. Tu te rends loin, ils n'arrivent pas. لماذا؟ لأن les cœurs sont malades. لأن كذلك leur amour envers le prophète صلى الله عليه وسلم, حقيقة, ils ont un problème. On le voit chez chaque être humain. Si quelqu'un déteste tes proches, t'arrives pas à éprouver de la sympathie pour lui, mimbabi, oh là, tu vas l'aimer, tu vas le suivre. Si quelqu'un n'aime pas tes parents, n'aime pas tes enfants, n'aime pas tes frères, sœurs, dans ton cœur, ça, tu ne seras jamais proche de cette personne. On parle bien sûr s'il les déteste bi batil, mais s'il les déteste bi haq parce que c'est des kafara ila akhri, c'est autre chose. Et alhamdulillah, l'exemple il est clair. Fa kayf bi haula qui détestent notre prophète alayhi salat wa salam. Ils se moquent de sa législation, de sa voix laylan wa nahar. Pour eux, si tu leur cites la voix du prophète alayhi salat wa salam, pour eux c'est de la barbarie, pour eux c'est plus applicable. بعضهم يطعنون فيه بعضهم يلانسولت clairement. On doit avoir un موقف sans être injuste. ولله الحمد أهل السنة, c'est les gens qui sont le plus loin de l'injustice. C'est pour ça que أهل السنة السلفيون ils détestent الخوارج, ils détestent داعش, ils détestent القاعدة, ils détestent tous ces égarés. في الله عز وجل لماذا؟ لأن هؤلاء au nom de la voix du prophète صلى الله عليه وسلم eux-mêmes ils sont injustes. Là, نحن on les déteste et on s'écarte d'eux sans commettre d'injustice. La preuve, c'est qu'on essaye de faire des efforts pour ne plus vivre avec eux. Hatta, on ne subit pas leur injustice et on n'est pas injuste envers eux. Ahl al-Sunna, c'est Arham al-Nas. Limada, pourquoi Ahl al-Sunna, c'est les gens qui ont le plus de rahma, de miséricorde? Limada, Liana, c'est les gens qui s'efforcent à suivre un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était une rahma. Plus tu suis un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, plus tu auras de la rahma. Ne pensez pas que la rahma, la miséricorde, c'est accepter tout le monde. Comme ils font Ba'd al-Dallal. Il faut accepter les idées des chrétiens. Il ne faut pas dire que c'est des mécréants. Il faut aimer tout le monde. La tolérance. Tout ça, c'est un kalam farir. Ar-Rahma al-Haqiqiyya, si tu veux avoir de la miséricorde, suis Nabi ur-Rahma alayhi salatu salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a combattu les juifs. Il a combattu les chrétiens. Il a combattu Sa'il al-Mushrikin. Et il a montré que c'était des égarés. Et il les a maudits. La'natullahi ala al-Yahoud wa al-Nasara, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit. اتخذوا قبور انبيائهم مساجد فاسم من الرحمه الرحمه كذلك سي les ennemis du prophète sallam on leur montre qu'ils sont égarés, on leur montre le haq. C'est ça الرحمه, la véritable miséricorde. Peut-être que par ta cause il va délaisser son égarement, il va suivre le haq. اما الان دعاة الضلال sur internet الان كثيرا, ils appellent à respecter les autres religions. Tu vas respecter le kufr, tu dois pas le respecter, tu dois le détester. من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هكذا قال عز وجل. ما كيف respecter ceux qui ne croient pas au prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, respecter ceux qui se moquent d'Allah du Coran. Là, tu parles pas de respect, tu parles de détester. لكن cette haine qu'on a envers eux, ça pousse pas à l'injustice. Ben on veut leur bien, on veut leur bien et on leur montre. C'est ça la véritable rahma. Amma pas de da'wa et leur dire qu'ils ont eux aussi une religion, ils ont un prophète comme nous, ils ont un livre. Wallahi, tu ne lui rends pas service. Abadan. Bel, c'est de la trahison. Si tu veux vraiment son bien, khasatan, si c'est un de tes proches, montre-lui. Anna, il n'a pas le choix. Il est obligé de suivre ce prophète. Il est obligé d'aimer ce prophète. Alayhi salatu salam. Qala, rawa Jabir ibn Abdullah, radiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, qal, u'atitu khamsan. لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. Il a cité هذا الحديث après avoir cité الشفاعة pour montrer que notre prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, Allah lui a donné des choses qu'il a donné à personne d'autre. الشفاعة comme on l'a vu précédemment. Et كذلك dans ce hadith, 5 choses. قال نصرت بالرعب مسيرة شهر. La distance d'un mois. Quand les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam ils entendaient ou ils étaient informés que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il arrivait, ils avaient ru'b fi qulubihim, ay al-khouf. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de conquêtes, il les a fait sans combattre. Limadha li'anna Allah azza wa jalla ja'ala fi qulub a'da'ihi ar-ru'b. La peur, la crainte. Et كذلك, plus l'insan il fait des efforts pour suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, plus les ennemis d'Allah azza wa jalla yakhafuna minhu. Les ennemis de l'islam, l'un, la yakhafuna du nombre des musulmans, ou de leur force, ou de leur armement. Yakhafuna, ils ont peur d'un musulman quand il s'accroche à son dîn. Quand il apprend son dîn. Quand il met en application son dîn, sa religion. Ils savent que ce musulman il est plus manipulable. Ils savent que ce musulman qui accroche à son dîn, il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Ce musulman il sait que c'est des êtres humains, lui c'est un être humain. Allah il a tout décrété. Tu le trouveras, c'est min akwanas. Fahum yakhafuna min hada. Ça nous montre, nastafid min hada, na celui qui veut un nasr, il veut être secouru et avoir le dessus sur les ennemis de l'islam. Il suit la voie du prophète alayhi salam. On n'aura pas le dessus sur les ennemis de l'islam avec l'entraînement, avec de l'armement, avec un grand nombre. Là, ça, ces choses eux-mêmes, ils les ont, les ennemis de l'islam. Là, la différence, c'est din. Qala wa ju'ilat lil ard masjidan wa tahura. Ça, c'est que pour le prophète alayhi salam. Et sa umma, la communauté du prophète alayhi salam. Les musulmans, walillahi alhamd, ils peuvent faire salat n'importe où. Mais à l'époque là, ils avaient des endroits crasses pour salat. Ils pouvaient pas faire salat dans certains endroits. Nous, tant que la terre elle est pure, on peut faire salat. Bien sûr, si le musulman il entend l'adhan et un masjid, il doit répondre et aller au masjid. C'est obligatoire pour les hommes, à la sahih, sauf pour celui qui a une excuse. Lakin, si tu es en voyage où il n'y a pas de masjid, tu es dans un endroit, tu peux faire salat. Tu peux faire salat tant que l'endroit, il n'y a pas d'impureté. كذلك جعلت له عليه الصلاة والسلام الأرض طهورة. Si il n'y a pas d'eau, ou il y a de l'eau et tu ne peux pas l'utiliser, la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'importe quel musulman, il peut faire l'wudu, yatatahhar, les ablutions, avec de la terre. C'est ce qu'on appelle at-tayammum. At-tayammum, ça le rend dans ce cas-là tahir, il peut faire as-salat. Et tout ça bien sûr avec des détails fi kutub al-fiqh, al-ulama il les cite. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakatu as-salat falyusalli. Donc si tu es dans un endroit et l'heure de salat elle arrive, il n'y a pas de masjid, tu fais salat où que tu te trouves. Une condition, l'endroit, il n'y a pas d'impureté. S'il y a une impureté, tu nettoies, et tu cherches un autre endroit. قال وأحلت للغنائم. نعم. ولم تحل لأحد قبلي. الغنائم أي في الجهاد, le butin. Ça, c'est que pour le professeur et sa communauté. قال وأعطيت الشفاعة. تقدم. الشفاعة هنا, c'est العظمى. أي لأهل الموقف. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. وبعثوا إلى الناس عام. Et ça c'est min a'zam khasa'is an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ça montre que c'est afdal, c'est le meilleur des prophètes alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Chaque prophète à l'époque avant notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était envoyé à son peuple. Matalan Moussa, il a été envoyé à Banu Israël. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé à tout le monde. Al-ins wal-jin, les arabes, les non-arabes. Tout le monde doit le suivre. Et ça c'est important, et c'est lié à ce qu'on a cité précédemment. Ils pensent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est pour les arabes. Il y en a, ils voyaient un peu plus loin, ils disent c'est pour les musulmans. Maintenant les musulmans, on a un guide, un prophète, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils pensent que les juifs ils doivent suivre Moussa, tant qu'ils suivent Moussa ils sont à la haq. Ça c'est batil. Depuis que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a été envoyé, personne n'a le droit de suivre un autre. Là, il est obligé de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fallait hada qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, law kana Moussa hayyan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a juré, si Moussa il était vivant, ma wasi'ahu illa tiba'i. Il n'aurait pas le choix, il aurait été obligé de suivre le prophète Mohammed alayhi wa sallam. C'est pour ça que Isa alayhi wa sallam, quand il va descendre à la fin des temps, il va juger avec la législation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il va redescendre sur terre après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il devra le suivre. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. النبي صلى الله عليه وسلم il a informé أن n'importe quel juif, quiconque parmi les juifs ou les chrétiens, s'ils entendent, ils entendent parler du prophète صلى الله عليه وسلم, et ils sont venus après la venue du prophète عليه الصلاة والسلام, et ils veulent pas croire en lui, s'ils meurent ils rentrent dans le nord. Ça nous montre أن هذا الكلام الفارغ, أن chacun il a son prophète, on est tous des croyants, c'est bâtil. Depuis la venue du prophète صلى الله عليه وسلم jusqu'à la fin des temps, tout le monde doit suivre le prophète عليه الصلاة والسلام. الحديث إلى في الصحيحين كما في الحاشية قال وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها نهشة. Ils étaient في دعوة أي في دعوة طعام. Ils étaient invités pour manger, le prophète صلى الله عليه وسلم et certains de ses compagnons. Et النبي صلى الله عليه وسلم il a mangé. رفع إليه الذراع, cette partie il aimait bien, cette partie de viande. ثم قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة وذكر حديث الشفاعة بطوله. أنا سيد الناس, فالنبي صلى الله عليه وسلم c'est أفضل الناس, c'est le meilleur des êtres humains, ça englobe tous les êtres humains. النبي صلى الله عليه وسلم c'est أفضلهم بالإجماع, selon l'unanimité des savants. وروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي يوم القيامة باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من أنت. النبي صلى الله عليه وسلم dans ce hadith il a informé أنه يوم القيامة après la traversée du sirat كما تقدم معنا, النبي صلى الله عليه وسلم il se présentera devant les portes du paradis, c'est le premier عليه الصلاة والسلام, ça sera le premier. فيستفتح, il demandera l'autorisation pour rentrer في الجنة. فيقول الخازن, أي le garde, un ange parmi les anges qui garde الجنة. Et il dira من أنت, أي qui es-tu. النبي صلى الله عليه وسلم il dira محمد, أي je suis محمد. فيقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك, رواه مسلم. Le gardien du paradis il dira on m'a ordonné de n'ouvrir à personne avant toi. Ça montre à Nahu, c'est Afdal al-Nas. C'est celui qui rentrera le premier fil Jannah, alayhi salatu wassalam. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع. ما يتعلق بالشفاعة تقدم. أما قوله عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم, c'est le même sens que أنا سيد الناس. Les gens, c'est les enfants de Adam. On est tous des enfants de Adam. Adam, c'est le premier des êtres humains et c'est le père de tous les êtres humains. Et النبي صلى الله عليه وسلم c'est سيد ولد آدم. Et c'est le meilleur. وأول من ينشق عنه القبر, le premier qui sortira de sa tombe le jour de la résurrection, c'est le prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام. Ça montre que c'est أفضل البشر عليه الصلاة والسلام. Allah subhanahu wa ta'ala il l'a élevé, le premier qui sort de sa tombe, le premier qui rentre dans le jannah, le seul à faire الشفاعة, الشفاعة العظمى. Et كم من خصائص وفضائل. بعض العلماء ils ont rassemblé ces فضائل. فضائل النبي صلى الله عليه وسلم, خصائص النبي صلى الله عليه وسلم, des choses qui sont réservées qu'au prophète عليه الصلاة والسلام. حتى في بعض الأحكام il y a des choses qui sont réservées que pour le prophète عليه الصلاة والسلام. مثلا jeûner sans interruption pendant des jours. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il faisait le wisa des plusieurs jours et il jeûnait sans interruption. Et il disait à ses compagnons alayhi sallallahu alayhi wa radiyallahu anhum annahu il n'était pas comme nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala il l'abreuve, il lui donne. Amma nous on ne peut pas faire le siyam pendant des jours. كذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج بأكثر من أربع. Il s'est marié avec plus de 4 femmes, alayhi salatu wassalam. Dans la même période, il avait 9-10 femmes, alayhi salatu wassalam. Ça, c'est min khasa'is. Personne n'a le droit de se marier plus de 4 femmes. Fa, ala kulli hal, al-mu'min, il doit donner de l'importance à hadd al-bab. Et parmi les choses qu'on ne doit pas négliger, c'est important, annahu idha dhukira, alayhi salatu wassalam, on doit faire As-salat sur lui. Dire sallallahu alayhi wa sallam. Ou alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ba'd al-ulama yaqulun c'est wajib. C'est wajib, c'est obligatoire à chaque fois que tu entends son nom. Ça c'est un qawl. Et à la kulli hal, on ne doit pas avoir de la négligence fi hal. Hatta Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala al-bakhil. Et vous voulez que je vous informe qui c'est al-bakhil, et l'avare. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a informé que c'est celui man dhukirtu 'indahu wa lam yusalli 'alayya. C'est celui qui entend mon nom ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est cité et là il يقول sallallahu alayhi wa sallam. Fa hadha c'est min huquqihi alayhi salatu wa salam. On doit et tu as une énorme récompense, akhi al-karim, quand tu fais as-salat 'ala an-nabi sallallahu alayhi et tu dis sallallahu alayhi wa sallam. كذلك on peut citer pour finir ce chapitre أن من طعن فيه أو من استهزأ به أو من سبه عليه الصلاة والسلام يكفر بالإجماع. Celui qui l'insulte ou qui se moque ou qui l'accuse d'une chose, il sort de l'islam بالإجماع si c'est un musulman. Et si c'est un kafir, c'est une preuve de son kufr عياذا بالله. لماذا لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم c'est un être humain. C'est un être humain, lakin Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a envoyé pour propager son message. Enfin, l'accuser, l'insulter ou se moquer, c'est insulter, se moquer du digne. قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité le Coran, c'est du kufr wadih, celui qui se moque du prophète alayhi salatu wasalam. فَالْحَذَرْ. Et là, on vit à une époque, l'un, بعض الناس, عيادًا بالله, ils se moquent de tout et n'importe quoi. Et plaisante avec tout et n'importe quoi, hatta avec din, ba'dhum hatta, il plaisante sur des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait, il aimait. C'est un bab khatir jiddan. Hadha an-nabi, on doit l'aimer plus que nous-mêmes et plus que tous les autres êtres humains. Hadha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, on doit le respecter, on doit le suivre, on doit secourir son din. Si quelqu'un le déteste, on doit le détester fillah. Si quelqu'un aime ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'aime fillah. هذا الباب باب عظيم قال رواه مسلم وأبو داود أي لدغني حديث ثم قال ونعتقد أن خير هذه الأمة وأفضلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه الأخص وأخوه في الإسلام ورفيقه في الهجرة والغار أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم après avoir cité les mérites du prophète صلى الله عليه وسلم en résumé باختصار الإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه. Le chapitre suivant, il cite les mérites des compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم. لماذا لأن هؤلاء نصروا notre prophète محمد صلى الله عليه وسلم. Ils l'ont secouru, ils l'ont aidé. Ils ont fait des sacrifices pour le suivre. C'est les personnes qui l'aimaient le plus qui l'ont suivi. ولله الحمد كما ينبغي. قال Et parmi ha'oula, awwalan on peut citer ta'rif al-sahabi, anna al-sahabi huwa man laqiya al-nabi sallallahu alayhi wa sallam mu'minan wa mata ala dhalik. C'est ça un sahabi, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un homme ou une femme qui ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, walaw un court instant, tant qu'il y a une rencontre. Et lahidu anna ba'd ulama qalu man laqiya. بعض العلماء يقولون من رأى لكن من لقي سأدق لأن بعض الصحابة رضي الله عنهم ils ont jamais vu le Nabi صلى الله عليه وسلم. Ils étaient aveugles certains. Ils l'ont jamais vu. لكن ils l'ont rencontré. Donc la rencontre elle suivit. ومات على ذلك avec ce شرط d'avoir rencontré le Nabi صلى الله عليه وسلم en étant croyant et ce croyant il est mort على الإسلام. هذا c'est un صحابي. فهؤلاء ils ont des حقوق عظيمة. لماذا لأن الله سبحانه وتعالى les a choisis pour entourer le prophète عليه الصلاة والسلام pour propager le din. نحن en tant que مؤمنون on doit les aimer بالله. كذلك celui qui les déteste on les déteste. كذلك leur قول ils passent avant les autres. كذلك on doit comprendre les textes comme ils ont compris هم. Ce qu'on appelle فهم السلف. السلف c'est qui? À leur tête c'est الصحابة رضي الله عنهم. الحقيقة celui qui accuse السلف ou qui ne comprend pas. Bard al-Juhal, ils disent, mais je ne comprends pas pourquoi vous dites toujours les salafs, as-salafiyya. Ils ne comprennent pas, ils disent, nahnou, on est des muslimines. Ah, on a les, imma, c'est des ignorants, imma, ba'duhum. Et, la haqiqa, c'est les passions qui les poussent à dire cela. Oui, là, quand on dit salaf, on n'a rien inventé. C'est sahaba, radiyallahu anhu. Sahaba, ils étaient avec le prophète, alayhi salatu salam. Fa'in al-ishkal, il est où le problème? Il n'y a aucun problème. As-salafiyya, c'est l'islam, le haq, c'est la voie des compagnons. Et vu qu'il y a des groupes, il y a des sectes, et certains, ils ont inventé, il a akhiré. Enfin, pour se distinguer, différencier, les ulama, ils disent, at-ba' as-salaf, ils disent al-sunna, ils disent as-salafiyya, il n'y a aucun mal. Et tu trouves, ha'oula, vous avez remarqué, annahum da'iman, ils critiquent as-salafiyyin, as-salafiyya, as-salaf, toujours. Et parmi leurs arguments, ils disent, je ne comprends pas pourquoi vous divisez, on est tous des musulmans. Et tu les trouves jamais, ils disent, hada sur sauvi. Vous avez déjà entendu, ha'oula, ils disent, faire un audio ou un écrit, critiquer les sauvis. Ah, peut-être. Critiquer al-Rawafid, ba'dahum, même al-Rawafid, a'da'u l'islam, a'da'u sahaba, radiyallahu anhum, ils ne les critiquent pas. Ou critiquer l'ash'ari, pourquoi vous dites ash'ari? On est des musulmans. Pourquoi tu dis ash'ari? Aqidatu l'ash'ari, dis aqidatu l'muslimin. Tu n'entendras jamais ça. Tous, ils se sont, iyadam billah, réunis contre la voix des salafs. Limada, li anna c'est le haq. Fa, as-salaviyya, aïtiba' as-salaf, c'est suivre ha'oula. Cette aqida qu'on a étudiée ensemble, fa, n'est aucune honte, akhi l'kari. Léana, on vient à une époque, l'an, anna, anna l'harb ala manhaj as-salaf, il est chédid. N'est aucune honte. Tu dis, je suis un salafi, je suis un sunni, je suis salaf. Alhamdulillah, bi kulli izza. Léana, c'est le haq. Et si tu es confronté à un ignorant qui aime le haq et il ne comprend pas, vu qu'il a été touché par les idées de certains, il ne comprend pas pourquoi diviser, pourquoi tu ne dis pas musulman, tu lui expliques que salafiyya, c'est la voix des salafs. Les salafs, c'est les sahaba, radiyallahu anhum. Allah, subhanahu wa ta'ala, il les a zikki fil Qur'an. Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous a, dans plusieurs versets, parlant bien des compagnons. Radiyallahu anhum, radou an. Fa, il n'y a aucun mal. Ce qui est dangereux, et on doit tous mettre en garde, c'est ceux qui divisent et ils suivent des sectes qui s'opposent à la voix du prophète sallam et des compagnons. Naam. Et fi hadha al-hal, critique akhi al-karim. Et mets en garde contre cette division. Al-Sawfiyya, al-Rawafid, al-Khawarij, al-Jahmiyya, al-Murji'a, al-Ash'ari, al-Ahbash, Jam'at al-Tabligh, al-Ikhwan. Combien de groupes égarés qui ont divisé l'Ummah avec des noms, avec des croyances et avec des actes. Et tu trouves, Haoula, là, ils ne mettent pas en garde contre Haoula. Ils ont trouvé qu'une cible, c'est As-Salaf. Ou As-Salafiyoun qui les suivent. Famine Haoula, As-Sahaba, radiyallahu anhum. L'imam al-Maqdisi, rahimahullah, il a cité Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhum. Afdhaluhum, bil-ijma'. L'unanimité des savants que Abu Bakr, c'est le meilleur des compagnons. Et parmi ses mérites, قال صاحبه الأخص نعم il faisait partie des amis très très proches du prophète عليه الصلاة والسلام. Vous avez remarqué que beaucoup de hadith أن أبو بكر il était avec le prophète عليه الصلاة والسلام. بل il a cité أنه رفيقه في الهجرة. C'était le compagnon du prophète عليه الصلاة والسلام في الهجرة. Ils étaient que deux et Allah سبحانه وتعالى وفقهم وهداهم. Le prophète عليه الصلاة والسلام et Abu Bakr. وقال ووزيره في حياته وخليفته بعد وفاته. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى تمالك. Il pouvait pas faire l'imam. C'était Abu Bakr رضي الله عنه qui faisait l'imam. Après la mort du prophète صلى الله عليه وسلم, les compagnons étaient tous unanimes, tous d'accord que le khalifa après le prophète صلى الله عليه وسلم, ça devait être Abu Bakr. Et c'est devenu خليفة المسلمين, أمير المؤمنين رضي الله عنه. قال وخليفته بعد وفاته عبد الله ابن عثمان عتيق ابن أبي قحافة رضي الله عنه. C'est son prénom عبد الله ابن عثمان. C'est ça le nom de Abu Bakr al-Siddiq. Mais Abu Bakr c'est une kunya, comme vous le savez. قال ثم بعده الفاروق أبو حفص عمر ابن الخطاب الذي أعز الله به وأظهر الدين. نعم. Quand il est rentré في الدين عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه فالله سبحانه وتعالى أعز الدين بسببه avec عمر رضي الله تعالى عنه. Et Omar, il a des fada'il kathir, il a beaucoup de mérite. Et c'est devenu le khalifa après Abu Bakr bil Ijma'. Et c'est le meilleur des compagnons après Abu Bakr. Tout ça, c'est bil Ijma'. Et ta'lamoun anna as-sahaba radiyallahu anhum, c'est afdal an-nas après l'anbiya wa rusul. Donc tu peux dire clairement, anna le meilleur des êtres humains après les messagers et les prophètes, c'est Abu Bakr as-siddiq. Après Abu Bakr, c'est Omar radiyallahu ta'ala anhuma. قال ثم بعده ذو النورين أبو عبد الله عثمان بن عفان الذي جمع القرآن وأظهر العدل والإحسان ذو النورين c'était son surnom. لماذا لأنه il s'est marié avec deux filles du prophète عليه الصلاة والسلام. C'est le seul être humain qui s'est marié avec deux filles d'un prophète. عثمان رضي الله عنه. C'est une فضيلة عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه il a marié ses filles à des gens nobles. من أفضل الناس كسا سوى عثمان كسا سوى علي رضي الله عنهم كذلك من حسناته العظيمة أنه جمع القرآن il a entamé la démarche de rassembler le Coran qui était dispersé dans des feuilles إلى آخره et le rassembler dans un mushaf et c'est le mushaf qu'on lit que tous les musulmans y lisent aujourd'hui فسي une حسنه عظيمة قال وأظهر العدل والإحسان نعم وقتل الخوارج الظلمة الضلال. Ils ont tué هذا الإمام أمير المؤمنين le meilleur des compagnons après Abu Bakr Umar Uthman رضي الله عنه قتلوه et il lisait le Coran et c'était un homme âgé à cette époque quand ils l'ont tué لكن تعلمون على الخوارج ils n'ont pas de rahma. قال ثم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه علي بن أبي طالب رضي رضوان الله عليهم أي أجمعين فهؤلاء الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. Le quatrième علي بن أبي طالب رضي الله عنه. Le cousin du prophète عليه الصلاة والسلام. Le prophète صلى الله عليه وسلم il l'a marié avec فاطمة. فاطمة c'est سيدة نساء العالمين. C'est la meilleure des femmes. Qui n'a jamais eu la fille du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. Ali radiallahu anhu, il s'est marié avec elle. Kadhalik, Ali, il faisait partie d'un des premiers à être rentré vers l'islam. Il était très très jeune. Et fada'il ha'oula kathira, bah, les ulama, ils ont écrit, ils ont rassemblé des hadiths et des athars fi hadha. Fa ala kulli hal, le mu'min, il doit aimer ha'oula. Si on n'aime pas ha'oula, on va aimer qui? Et ha'oula kadhalik, vous avez remarqué que l'imam al-Maqdisi, rahimahullah, il les a cités dans l'ordre. Abu Bakr, thumma Omar, thumma Uthman, thumma Ali, radiyallahu anhu. Et cet ordre, c'est l'ordre de al-Khilafa. Et Abu Bakr, c'était le premier khalifa, thumma après lui Omar, après lui Uthman, après lui Ali. Et kadhalik, il les a cités dans l'ordre de al-Afdaliyya. Enfin, l'ordre chronologique dans le temps. C'est le même ordre que c'est qui l'afdal, c'était qui le meilleur. Fa nu'min bihada. Kadhalik, on les prend comme exemple. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin. Haoula, leur qawli, il est mu'tabar jiddan. On revient à leur compréhension. Comme amara le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alaykum, c'est un ordre. Suivez la sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam et la sunna des califiens guidés. C'est les quatre, radiyallahu ta'ala, anhum. كذلك on déteste ceux qui les détestent. كالروافض الكفرة العلماء ils ont كفر لماذا لأن الروافض ils traduisent par les chiites يقولون pour eux Abu Bakr c'est pas un muslim عيادا بالله عمر كذلك عثمان كذلك et بعضهم ils exagèrent sur Ali بعضهم يعبدون Ali من دون الله ils ont une عقيده sur Ali عيادا بالله et tu trouves pour reciter ce qu'on a cité dans le dars, Anna, tu trouves, Bardanas, Yakulun, mais l'imada, vous parlez sur les chiites. Bardan, il dit, c'est nos frères, on a des divergences. Ça, c'est minal djihad. C'est pour ça, Ikhwan, étudier ce genre de livre, étudier cette aqid, c'est mohim. Bardan, il parle des chiites, des rois, en fait, on a des divergences. Qu'Anna, on a une divergence sur une mas'ala dans la salah, ou sur l'odo, ou sur l'héritage, ou sur les divorces. Et les divergences entre les savants, dans le fiqh, il y a beaucoup de divergences. Et la divergence dans le fiqh, tu respectes Tu respectes le savant qui diverge avec un autre savant, tu respectes les savants et tu prends le qaul qui pour toi est fondé sur la preuve. Et alhamdulillah, on est des frères. Certains savants ils disent que cette chose est obligatoire, d'autres ils disent qu'elle n'est pas obligatoire. Certains savants ils disent que cette chose ça annule l'odo, d'autres ils disent là. Alhamdulillah. Et malgré cela, on fait des efforts pour chercher le délil, suivre le délil et on doit être convaincu. Wallahi alhamdulillah. Mais avec les chiites, là, une des divergences qu'on a avec eux, ils disent que Abu Bakr, Omar, Uthman, radiyallahu anhum, pour eux, c'est les pires. Et pour eux, ils sont fait nar. Et ils les insultent, ila akhri. Pareil avec Aisha, Hafsa, ila akhri, les femmes du prophète, alayhi salam. Qu'est-ce que tu vas dire, c'est mon frère? Là, c'est pas ton frère. Si ton frère, c'est un groupe ou une personne qui déteste Abu Bakr, Omar, Uthman, Hafsa, Aïcha, il a arrêté. Remets-toi en question, Akhi. Remets-toi en question. Vérifie tes sources. Remets-toi en question. Ton dîn, il est fondé sur quoi? Les anamathalan, qui c'est qui a rassemblé le Coran? C'est Uthman, radiyallahu anhu. Donc, Haoula, ils disent que c'est pas une personne de confiance. Pour eux, c'est pas un musulman. Fallait hada pour eux. Le Coran qui est propagé l'an, عند المسلمين, عند الروافد. Pour eux, c'est pas le Coran qui est à l'époque du prophète Aïssa al-Salam. L'imam al-Yanoum, ils ont accusé les compagnons d'avoir falsifié. Donc, la base de notre dîne, qui est le Coran, c'est pas la même. L'unanimité, on a ceux qui accusent, qui insultent les compagnons du prophète Aïssa al-Salam, khasatan Abu Bakr ou Omar, et kadalik les autres, ceux qui accusent Aïcha. Comment prétendre qu'on est des frères avec un qawm qui disent que Aïcha radiyallahu anha, elle a fait l'énorme péché. Aïe, azina yadam billah. Elle fait aïcha. Alors que le verset, il est clair, fi surat al-Nur. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a innocenté. Elle était innocente, elle n'a jamais fait hadad dhanb, walillahi alhamd. Et c'est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il l'accuse. Pour eux, c'est une kafira. Ayyadam billah. Thumma anta, tu vas dire là, c'est nos frères. Il y a les sunnites et les chiites. Ça, c'est batil, ça. Ça vient des kuffars. Islam, c'est sunnah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Alaykum bis sunnati ». Le sunnisme, c'est l'islam. Lakin, a'da'u l'islam, ils font croire en l'islam. Le chiisme, le sunnisme, et on est des frères, on se respecte. Comme on se respecte entre matalan, ceux qui suivent le madhab de l'imam Ahmed, ceux qui suivent le madhab de l'imam Malik. C'est batil, had. C'est batil. Al-Shi'a, al-Rawafid, c'est des kafaras. Et alhamdulillah, ensemble, dans la série de cours sur les sectes, on avait détaillé le regardement. قال ثم الستة الباقون من العشرة طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام والسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيد بن الجراح رضوان الله عليهم فهؤلاء العشرة الكرام البررة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فنشهد لهم بما بها كما شهد لهم بها اتباعا لقوله وامتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم ثم après les quatre califes les six pour compléter les dix كما جاء في حديث سعيد ابن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة طلحة في الجنة إلى آخره لا ستي لي دس فأفضل الصحابة سي لي quatre califes dans l'ordre qu'on a cité, que l'imam Abdel Ghani, rahimahullah, il a cité, Thumma, les six que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a, dans un hadith, il a cité 10 compagnons qui rentreront fil Jannah. On les appelle al-mubashirin. Et ils rentreront fil Jannah mubashara. Ben, ils étaient vivants sur terre et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a informé qu'ils rentreraient fil Jannah. Ha'oula, c'est les 10 compagnons qui ont le plus de mérite. À leur tête, Abu Bakr et Omar. Enfin, on a cette aqidah. Et هؤلاء نحبهم في الله. قال وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس وعبد الله بن سلام ولبلال بن رباح ولجماعة من الرجال والنساء من أصحابه. Et ça c'est important, ne pas comprendre du hadith des dix qu'ils ont été. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il aura annoncé qu'ils allaient rentrer au paradis et ils étaient encore vivants. Ne pas comprendre qu'il n'y a que 10. Là, quand on dit les 10, al-ashara, c'est ceux qui sont cités dans le même hadith. Wa illa fa des autres compagnons, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a annoncé qu'ils rentreraient fil Jannah. Parmi ses compagnons, Bilal, عبد الله بن سلام ثابت بن قيس كذلك قال وبشر خديجة ببيت من قصب لا صخبا فيه ولا نصب خديجة كذلك رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه الصلاة والسلام il a informé de dire à خديجة qu'elle aurait une maison في الجنة إلى آخره قال وأخبر أنه رأى الرميصاء بنت ملحان في الجنة قال في الحاشية أدلة هذا كثيرة في صحيح السنة نعم beaucoup d'أدلة في هذا et il y a des livres في هذا المبشرين بالجنة et ils sont cités les 10 et autres قال فكل من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له ولا نشهد لأحد غيرهم أي من حيث التعيين وإلا فالصحابة رضي الله عنهم يغنطرون توس في الجنة المؤمنون يغنطرون توس في الجنة celui qui meurt على الإهمال يغنطرون في الجنة on a aucun doute لكن من حيث التعيين le fait de citer واحد en particulier spécifiquement dire مثلا فلان qui s'appelle Abdelaziz يغنطرون في الجنة هذا الله أعلم On n'a pas le droit, sauf ceux que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a cité. Les mada, les anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est appuyé par la révélation. Même si on voit wahed, il a du ilm, il fait amal saliha, on dit Allahu a'lam. Lakin, on espère le khair. Et on a une bonne opinion de lui, il a fait. Lakin, si il meurt, on n'affirme pas explicitement, clairement, nahu il rentrera fil jannah. Allahu a'lam. Lakin, on espère le khair pour lui. Et on fait dua pour lui. Ça, c'est عقيدة أهل السنة. قال بل نرجو للمحسن ونخاف على المسيء ونكل علم الخلق إلى خالقه. Et ça, c'est important. Beaucoup de choses, on n'a pas à rentrer. On n'a pas à rentrer dedans. Des choses qu'il n'y a qu'Allah qui sait. Parmi ces choses, مثلا, واحد il meurt et c'est un. Il faisait du khayr, c'est un mu'min et il meurt, on dit il est في الجنة. الله أعلم. الله أعلم هذا. On ne sait pas, il est mort sur quoi, on ne sait pas l'état dans son cœur. Beaucoup de choses, on ne sait pas. لكن on espère le khayr. قال فلزم. كذلك, on peut citer parmi les choses. On n'a pas à التكلف, à essayer de savoir إلى آخره. النية. النيات plutôt, les intentions. Là, on prend les gens sur ce qu'ils font montrer. Celui qui fait montrer du khayr, il est à la khayr. Celui qui fait montrer du mal, il est sur le mal. Il rentre dans les intentions, des suspicions, peut-être, mais je me suis dit, il a akhiré, ils se font du mal et ils font du mal aux autres. Celui qui fait apparaître le khayr, laisse-le à la khayr. S'il mentait, maintenant le cas des hypocrites, yom al-qiyama, Allah subhanahu wa ta'ala, il est a'lam. Il est a'lam bi'ibadi, yom al-qiyama, chacun rendra des comptes. Ça, c'est très très important. Qala. فالزم رحمك الله ما ذكرت لك من كتاب ربك العزيز وكلام نبيك الكريم ولا تحد عنه نعم لا تحد أي ne délaisse pas ces choses tout ce qu'il a cité via le kitab الآن on est bientôt à la fin du livre et l'imam Abdulghani al-Maqdisi رحمه الله il a écrit cette nasiha c'est une nasiha في الحقيقة جميلة جدا فالزم رحمك الله أي accroche-toi à cette عقيدة fais attention لا تحد de ne pas t'écarter surtout à notre époque il y a beaucoup de choses qui poussent à s'écarter du haq on les avait cités dans une kalima les causes qui écartent de la vérité beaucoup de choses الدنيا, les ennemis de l'islam ils te feront peur des pressions le manque de patience les doutes la patience أخي الكلام إلزم أكروشتوك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ أي النبي صلى الله عليه وسلم لا دوني سميتال دو تاكروشي avec tes molaires أي تاكروشي فور قال من كتاب ربك العزيز وكلام نبيك الكريم les deux sources c'est ça le dit on n'a pas le droit de placer la parole d'un être humain qui qu'il soit même si c'est un savant même s'il est sérieux, il a on n'a pas le droit de placer sa parole au même niveau que le Coran et le Sunna. Là, لأن كل أو لأن plutôt كل نعم يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Un être humain, un savant, il peut se tromper, il a enfin, ne pas tout mélanger. Les sources et les sources. Al-Qur'an ou Sunna. Bien sûr, on doit revenir aux savants qui nous montrent ces sources. Lakin, exagérer et suivre la parole d'un autre et délaisser le Qur'an ou Sunna, ça ne fait pas partie de la voie des salafs. Qala, wala tabtaghi al-huda fi ghayri. Ne pense pas que tu pourras trouver la guidée dans autre que le Qur'an ou Sunna. Il n'y a qu'un chemin, comme a bayyana l'imam ibn al-Qayyim, rahimahullah. Il n'y a qu'une voie. Tu veux réussir, tu veux qu'Allah soit satisfait de toi. Il n'y a qu'une voie. C'est as-sirat al-mustaqim. Comme a dit Azzawajal, ihdina as-sirat al-mustaqim. Il n'y a qu'un sirat. Et le hadith ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le Nabi sallam, il a tracé un trait sur le sol. Hada sabilullah, ou siratullah. Thumma, il a tracé des traits sur le côté. Wa hadhihi as-subul. Et c'est des voies qui écartent du droit chemin. Enfin, accroche-toi à as-sirat al-mustaqim, al-Qur'an. C'est pour ça que Al-Mu'allif, rahimahullah, à la fin du livre, il a cité les mérites du prophète, alayhi salatu salam. Thumma, il a cité As-Sahaba, radiyallahu anhum, pour te montrer que toute cette aqidah, elle est fondée sur la voie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et la compréhension de As-Sahaba. Thumma, il conclut ce chapitre avec cette nasiha. Thumma, le dernier chapitre qu'on va lire ensemble dans le prochain dars, Faslun fi fadli l'ittiba'. Il va conclure le livre avec les mérites de l'ittiba', et de suivre le prophète alayhi salatu salam. Enfin, c'est ça notre dîn. On vient à une époque, ayyadan billah, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de divisions, beaucoup de groupes. Chacun il explique le dîn comme il pense. Ba'danas, ils exagèrent trop, comme le khawarij, ils appellent à détester les kuffars, il ne faut pas faire kada, tumma, il faut les tuer, les attentats, ayyadan billah, ils se sont égarés. Tu trouves un autre groupe, ils ont du laxisme. Hatta, ils disent que les kuffars, c'est nos frères, si on prend ce sujet de al-wala wal-bara. Et les deux groupes, ils se sont égarés. Al-Haq, c'est revenir au Coran et à la Sunna, être juste, être objectif. Qala rahimahullah, wa la taghtar bi zakharif al-mubtilin. Tahdhirun. C'est une nasiha jamila. Ça te montre quoi? Tu dois suivre la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam et mise en garde, fais attention. Le suivi, ça ne suffit pas. Comme Milanaz, ils veulent suivre et ils ne font pas attention aux égarés. Enfin, ils suivent la sunna, thumma ils s'égarent. Enfin, suis la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wahdar, la taghtar. Al-irtirar, c'est se faire avoir. Bizakharif al-mubtiyin. Al-zakharif, c'est le pluriel de zukhruf. C'est embellir. Ba'danaz, ils embellissent les masajid avec des décors, il a akhri. Ça attire l'œil. Oh, leur maison. Oh. Amal ibn Sajid, c'est pas minas sunna. C'est pas minas sunna. Le masjid doit rester simple. Ala kulli hal, ba'd al-mubtilin, ils embellissent leurs paroles. Ils embellissent leurs actes. Et ils font croire aux gens qu'ils sont à la haq, surtout à notre époque, avec le bon comportement. La tartar. S'il a un bon comportement et il appelle à être tolérant, avoir un bon comportement, respecter les autres, et il n'est pas à la sunna. Et il ne suit pas les salaf, ihdar, c'est un égaré. Son bon comportement, il n'est pas utile s'il ne suit pas la voie des salaf. Fala tartar. La tartar. Reviens à celui qui a l'hujja, reviens à celui qui a l'haq. Qala, wa ara al-mutakallifin. Al-ara, c'est les avis. Al-takalluf, c'est ceux qui s'imposent. Avec beaucoup d'aimés. Mais je pense, il a akhiré. L'haq, il est wadih. Prends l'exemple de Sifat. On n'a pas besoin des avis, takalluf. Comme ils ont fait le Mu'tazila ou l'Asha'ira, ils se sont égarés. As-sifat, Allah il a dit qu'il a des mains, il a des mains. Allah il a dit qu'il a un visage, il a un visage. Allah il nous a informé qu'il ne ressemble pas aux créatures, il ne ressemble pas aux créatures. Et il a un visage, il a des mains. C'est très simple à dire. Qala, fa inna ar-ruj wal-huda wal-fawz wal-ridha fi ma ja'a min 'indillahi wa rasulihi la fi ma ahdathahu al-muhdithun. Al-muhdithun, ça vient de al-ihdath fi ad-din, inventé. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala kullu muhdathatin bid'a. Chaque muhdatha, c'est une bid'a. Muhdath, c'est quelque chose d'inventé. Donc le salut, la réussite, c'est dans le Coran ou le Sunna. L'égarement, c'est dans les inventions. Surtout dans ce domaine, l'aqidah. Qala wa ata bihi al-mutanatti'un min ara'ihim al-mudhmahila wa nata'ij 'uqulihim al-fasida. Na'am. Et ça, c'est parmi les causes de l'égarement. Les avis, al-ara, qui contredisent le Coran ou le Sunna, je pense, on m'a dit, tout ça c'est fondé sur rien, c'est de l'égarement. Et que d'ailleurs, n'était-il pas les textes et prétendre revenir à la raison. Haqiqa, celui qui délaisse les textes, sa raison, elle est fasida, comme on parle. Sa raison, elle est corrompue, elle est salie. Celui qui a une raison à l'al-fitra, sur la saine nature, il suit le Coran ou le Sunna. Qala, warda bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam iwadan min qawl kulli qa'il wa zukhrufin wa batil. Warda bi kitabillah. Fi dinillah, ne cherche pas autre chose que le Coran et la Sunna. Même si celui qui contredit le Coran et la Sunna, c'est un de tes proches, ton père, ta mère, ton frère. Même si celui qui contredit le Coran et la Sunna, c'est un savant, c'est ton chir, c'est un de tes amis, ne délaisse jamais le Coran et la Sunna. Si c'est un savant de la Sunna, il peut contredire le Coran et la Sunna, mais ce n'est pas volontairement. Mais c'est un être humain. Enfin, dans ce cas, tu le respectes. Si tu peux te conseiller avec ton frère ou ton chir, fais-le. Ou illa ala kulli hal, ne délaisse pas les textes. لماذا لأن الله عز وجل أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ما باتباع نوط قال عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم فسي سال اتباع الله سكي نوز أغيبلي on doit le suivre pas autre أما autre que النبي صلى الله عليه وسلم il peut se tromper النبي صلى الله عليه وسلم il pouvait pas se tromper معصوم il était infaillible لماذا لأن c'était le guide pour tout le monde إمام المتقين نبي جميع الناس. Donc, ils ne pouvaient pas se tromper. Amma les autres, ils peuvent se tromper. Babun Jamil, et Walilah Ilham, on a fait la transaction avec le lien plutôt avec le prochain bab, fi fadl l'itiba. Fa naktafi bihada, Walilah Ilham.